C'est pas faute à moi, moi pas v'lé aventure sans lendemain, darling. Et si des moments vous pas comprendre moi, c'est toujours pas faute à moi, c'est que à moi qui a parlé, darling. Si l'amour en moi était bénévole, moi t'es que j'ai bâti depuis longtemps, vous voulez désapprouver moi. L'émotion là de si intense, ou extérioriser l'esprit à moi, ou c'est faire la vie en moi. Et si il faut moi marcher si bleu, moi paix ça ferait conquérir. En cas juré, que moi qui fait des effets mieux. Et si des moments vous pas comprendre moi, c'est toujours pas faute à moi, c'est que moi qui a parlé dans le. Pas d'accord, ça t'a fait mal. Pas d'accord, s'il vous plaît. Pas d'accord, ça t'a fait mal. Ouh, on te voit moi. On te souhaite, on te l'amour. Oh, on te voit moi. Pas d'accord, ça t'a fait mal. Pas d'accord, s'il vous plaît. Pas d'accord, ça t'a fait mal. Ouh, on te voit en moi. On te voit, on te l'amour. Oh, on te voit.